Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 25 septembre 2020. Voici la grande édition de cette mi-journée. Les grands titres. Le président de la République du Burundi déclare que le pays est prêt à collaborer avec l'Union européenne pour la redynamisation de nos relations. Il s'est exprimé dans une émission publique animée ce vendredi. 15 ans de prison ferme et assuré tous les soins de santé à sa femme blessée. C'est le jugement prononcé par le tribunal militaire siégeant en matière de flagrance. Le soir de ce jeudi à Rutovu en province de Bururi, contre un militaire en activité, il a été arrêté la veille sur la colline Muzenga. C'est dans cette commune. Et la prochaine réorganisation du ministère de la Santé publique inclura une direction générale de l'Office des soins de la médecine moderne et traditionnelle, ainsi que l'alimentation. Ce point figurait à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi. Vous en aurez un extrait du compte rendu avec le secrétaire général et porte-parole. À l'occasion de la célébration annuelle de la journée internationale dédiée aux pharmacies, le directeur du département des pharmacies, médicaments et laboratoires suggère la multiplication des écoles et des enseignants pouvant aider à avoir des pharmaciens qualifiés. Voilà pour la charpente. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Une direction générale de l'Office des soins de la médecine moderne et traditionnelle ainsi que de l'alimentation va être créée. Ceci ressort du Conseil des ministres tenu mercredi. Prosper Naourgouamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, souligne que ce projet de loi porte sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de la Santé publique. Suivez-le. Ce projet vient s'adapter au décret numéro 100/007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi. Il tient compte du plan national de développement et des autres instruments de planification en matière sanitaire. Il clarifie certaines missions en vue d'éviter la duplication de certaines activités et des éventuelles interférences. Des innovations sont également apportées par ce projet, entre autres l'intégration du niveau communautaire au niveau sanitaire parmi les trois niveaux déjà existants, le renforcement des prérogatives de l'inspection générale du ministère, la création d'une direction générale de l'Office des soins de la médecine moderne et traditionnelle, de l'alimentation et des accréditations, la mise sous tutelle du ministère en charge de la santé publique, du Centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale, la création de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et des aliments à usage humain. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant quelques retouches. C'était un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de mercredi avec Prosper Naourgouamiye, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le pharmacien dans son rôle devrait suivre si le patient a bien utilisé les médicaments prescrits par le médecin pour qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur sa santé. Le directeur du département des pharmacies, médicaments et laboratoires dit que le nombre de personnes qualifiées dans ce domaine reste bas. Emmanuel Bamenier-Cagné suggère la multiplication des écoles et des enseignants qui peuvent aider pour avoir des pharmaciens qualifiés. Il s'exprimait ce vendredi 25 septembre dans un point de presse organisé à l'occasion de la célébration annuelle de la journée internationale dédiée aux pharmaciens. Écoutez. Le rôle du pharmacien, comme il maîtrise bien le médicament, c'est de comprendre aussi la prescription. Donc le pharmacien doit pouvoir la lire et la comprendre. Et quand il reçoit l'ordonnance, il doit l'analyser. Est-ce que ce médicament je l'ai ou je ne l'ai pas? Est-ce que je l'ai au bon dosage, à la bonne forme? Parce qu'il peut avoir l'amoxicilline comprimée alors qu'on a prescrit le sirop. On peut avoir l'amoxicilline 500 alors qu'on lui a prescrit 250. C'est que des fois, on dit que le médicament n'est pas disponible alors qu'il est disponible pour des raisons de concurrence commerciale et consort. Mais si sinon, c'est vraiment un cas typique de collaboration entre le pharmacien et le médecin qui doivent se parler. Et si le médicament n'est pas réellement disponible et non substituable, il doit le retourner chez le médecin pour qu'on puisse lui prescrire le médicament qui convient très bien. Effectivement, tous ceux qui sont derrière les comptoirs n'ont pas la même formation, ils n'ont pas la même connaissance du médicament. Donc même les conseils qu'ils donnent ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les apprécier de la même manière. Nous apprécions la chose dans dans sa globalité. Il y a des pharmacies disponibles. Il contribue à rendre accessible le médicament sur tout le territoire de la République. Mais il y a des aspects qui doivent être améliorés. Les pharmaciens ne sont pas encore suffisants. Le premier plaidoyer que j'avais lancé, c'est qu'on ouvre la faculté de pharmacie à l'Université du Burundi. Mais aussi former des cadres suffisants et compétents pour les pharmacies que nous avons au Burundi. Également dans l'actualité, des femmes adeptes de Zebing et Nakumana récemment venues du Congo et résidant au centre-ville de Kirundo demandent soit au gouvernement, soit aux bienfaiteurs un soutien tant moral que matériel pour augmenter leur capital utilisé dans le commerce. Leurs conjoints les encouragent dans leurs efforts pour survivre. Abraham Safari. Ces femmes qui étaient adeptes de Zebing et Nakumana, résidant au centre-ville de Kirundo, signalent que depuis qu'elles sont venues du Congo, elles n'ont pas croisé les bras. Comme la parole de Dieu le stipule, ont-elles ajouté, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. D'ailleurs, elles savent qu'elles doivent fournir de l'effort pour aider leur famille à survivre. Une parmi ces femmes qui a gardé l'anonymat nous a fait savoir qu'elles font du commerce de petits articles, comme des sacs à main pour les femmes, des habits, des denrées alimentaires comme la farine du manioc et autres, pourvu qu'ils génèrent de bénéfices. Mais elle demande toutefois le soutien, tant moral que matériel, soit de la part du gouvernement, soit de la part des bienfaiteurs, pour relever leurs petites actions. Cet effort de ces femmes est salué par leurs conjoints. Ils nous ont fait savoir qu'ils se réjouissent du fait de voir comment leurs femmes aident dans ce qu'elles reçoivent du marché. Ils affirment qu'elles peuvent payer le minerval pour leurs enfants, pourquoi pas même participer à payer la ration quotidienne. Même s'ils ne sont pas complètement convaincus que leurs femmes resteront avec eux, ils affirment qu'elles ont changé de comportement, ce qui leur donne espoir. D'ailleurs, certaines femmes auraient déjà confirmé à leur mari qu'elles ne laisseront plus leur conjoint en allant ici et là. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Je vous l'avais dit dans les titres, 15 ans de prison ferme et assuré, tous les soins de santé à sa femme blessée. Tel est le jugement prononcé par le tribunal militaire siégeant en matière de flagrance le soir de ce jeudi à Rutovu en province de Bururi contre un militaire en activité arrêté la veille sur la colline Muzenga dans cette commune. Eric Nkurunziza s'est rendu coupable de tentative d'assassinat avec préméditation contre sa femme. Ceux qui ont assisté au déroulement de ce procès à Rutovu se disent satisfaits du jugement rendu, comme le dit l'administrateur communal de Rutovu, Jean-Pierre Misago. Au cours de cette audience publique du tribunal militaire siégeant en matière de flagrance de ce jeudi, à partir de 15h au chef-lieu de la commune Rutovu, ce tribunal a entendu des témoins à charge constitués des membres de sa famille, des voisins et même l'administration collinaire de Muzenga, lieu de naissance du prévenu. Selon certains des participants dans cette audience, les révélations des témoins à charge ont été que Eric Nkurunziza, son militaire, était absent chez lui à Kirilisi sur la colline Muzenga depuis plusieurs années. Par ailleurs, son militaire encore en activité s'est masqué dans l'habillement et s'est introduit clandestinement chez lui et s'est caché sous le lit conjugal, armé d'un poignard utilisé après pour blesser gravement sa femme, selon ses révélations qui indiquent que ce militaire a été appréhendé par ses voisins qui venaient au secours de ses enfants alors qu'il fuyait. Ce militaire prévenu a dans un premier temps nié les faits avant de plaider coupable selon des sources sur place. Le tribunal militaire l'a ainsi condamné à 15 ans de prison ferme et l'a obligé de payer tous les frais de soins de santé jusqu'à la guérison de sa femme. Josette Ndeikeza, administrateur de Rutovu, dit être satisfaite de ce jugement rendu, allant dans le sens d'assurer la jouissance complète des droits des femmes, informa du coup que ce tribunal est parti avec son militaire arrêté puis retenu temporairement au cachot de la police de Rutovu. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On reste dans le sud du pays où quatre patrons pêcheurs de Rumonge sont retenus au cachot de la police de Rumonge depuis ce jeudi. La police les accuse d'avoir tenu une réunion clandestine visant le sabotage des mesures sécuritaires dans le lac Tanganyika récemment prises. Leurs proches parlent plutôt d'une réunion autorisée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. 50 jeunes leaders des groupements associatifs Evran en mairie de Bujumbura sont réunis ce vendredi en conférence débat sur le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale sur l'initiative du Centre d'initiative et d'action pour le développement durable au Burundi, CIAD. Le représentant légal de cette association, Jean-Baptiste Simbo, explique qu'ils ont organisé cette activité dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix avec l'objectif de sensibiliser cette jeunesse sur les valeurs de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Les employés et les employeurs sont appelés à travailler dans le respect de la loi et surtout du code du travail. C'est ce que recommande Gilbert Inyawakira, président de la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, lors d'un atelier de restitution nationale de l'étude d'évaluation de l'impact des négociations collectives. Certains employeurs se réjouissent de l'état déjà franchi, du pas déjà franchi, dans le dialogue avec leurs employés comparativement aux années antérieures. Ézéchiel Ndikumwenayo. Dans cet atelier, le président de la Confédération des syndicats libres au Burundi, CSB, le dialogue revêt d'une très grande importance entre employés et employeurs. Gilbert Nyawakira, même son de cloche à certains des participants, les employeurs devraient accepter et donner un moment d'échange avec les employés. Toutefois, il y a eu évolution du climat de travail à travers un dialogue entre employés et employeurs, comme l'affirme Mireille Mnezelo, directrice gérante de la société de gardiennage Safeguard. L'inspecteur général du travail qui a représenté le ministère ayant la fonction dans ses attributions, cette étude qui a été réalisée servira l'amélioration des conditions de travail au Burundi ainsi que le cadre de dialogue au moment de différends entre les employés et les employeurs. Ézéchiel Ndikumwenayo. Le Burundi est prêt à collaborer avec l'Union européenne pour redynamiser la coopération. C'est le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, qui l'a déclaré ce vendredi lors de l'émission publique animée à partir de Gitega, la capitale politique. Quant au financement des récentes élections, le chef de l'État a indiqué que la Commission électorale nationale indépendante CENI est en train d'évaluer le montant utilisé et celui restant. Moïse Misako. Lors de cette émission publique, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a tranquillisé les Burundais que son gouvernement est prêt à renouer des relations diplomatiques avec l'Union européenne. Les relations diplomatiques ne sont pas des relations forcées, ce sont des relations d'entente mutuelle. C'est pourquoi, avec l'Union européenne, l'essentiel pour le Burundi, c'est que les portes de dialogue restent ouvertes. Nous sommes prêts s'ils veulent collaborer, c'est bien. Nous n'avons pas pris de sanctions contre cette union. Même des pourparlers avaient déjà commencé, mais ils ont été négligés malgré nos efforts. Nous gardons toujours la même position. Nous sommes prêts à dialoguer. Ce n'est pas question des accords, mais c'est la collaboration. Le président de la République a ajouté que les relations du Burundi avec les pays de la sous-région sont en bon fixe, à l'exception du Rwanda voisin. Quant au montant décaissé pour les élections de 2020, le numéro 1 burundais précise que la Commission électorale nationale indépendante CENI est à l'œuvre pour dresser le rapport du montant utilisé. Pour la première fois que nous organisons les élections sur nos propres fonds, c'est une bonne chose. La population a montré que tout leur appartient. La CENI a terminé son travail. Il est en train de confectionner le rapport des fonds utilisés, aussi combien avait été collecté, ce qui reste et comment est-ce qu'on va gérer ces fonds. Après tout, c'est la CENI en collaboration avec le ministère des Finances qui vont nous dire le montant qui reste. On va demander aux Burundais l'usage de ces fonds, si on peut majorer ces fonds pour les prochaines élections ou si on peut faire quelque chose d'intérêt public. Le chef de l'État a précisé en outre que ceux qui ont mené des attaques dans certaines provinces du pays sont des malfaiteurs, tout en expliquant que ceux qui veulent attaquer le pays commencent à attaquer le chef de l'État et l'armée. L'émission publique du numéro 1 burundais est la première depuis son accession au pouvoir il y a bientôt 3 mois. Moïse Misago. Et dans le reste de l'actualité africaine, l'opposant et héros du film Hôtel Rwanda, Paul Rousseff Sabagina, qui a sauvé pendant le génocide plus de 1200 personnes, a admis ce vendredi 25 septembre, lors d'une audience au tribunal, avoir participé à la création d'un groupe rebelle. Mais il a nié avoir été impliqué dans leurs crimes. Nous avons formé le FLN, le Front National de Libération, comme un bras armé, pas comme un groupe terroriste, comme le dit le procureur. Je ne nie pas que le FLN a commis des crimes, mais mon rôle était la diplomatie, a affirmé Paul Rousseff Sabagina. Présidentielle en Guinée, la classe politique divisée après l'audit de la CEDEAO. Les réactions se multiplient après l'audit du fichier électoral par trois experts de la CEDEAO. Le camp de la majorité présidentielle se dit satisfait, mais l'opposition guinéenne est plus méfiante quant à la fiabilité de cette liste électorale. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le président de la République du Burundi a déclaré que le pays est prêt à collaborer avec l'Union européenne pour la redynamisation de nos relations. Il s'exprimait dans une émission publique animée ce vendredi. 15 ans de prison ferme et assurer tous les soins de santé à sa femme blessée. Tel est le jugement prononcé par le tribunal militaire siégeant en matière de flagrance le soir de ce jeudi à Rutovu, en province de Bururi, contre un militaire en activité arrêté la veille sur la colline Muzenga dans cette commune. La prochaine réorganisation du ministère de la Santé publique inclura une direction générale de l'Office des soins de la médecine moderne et traditionnelle ainsi que l'alimentation. Ce point figurait à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi. Et à l'occasion de la célébration annuelle de la journée internationale dédiée aux pharmaciens, le directeur du département des pharmacies, médicaments et laboratoires suggère la multiplication des écoles et des enseignants qui peuvent aider pour avoir des pharmaciens qualifiés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous. Mitevoti pour la mise en onde de micro. Jean Bosco, Nduimana. Passez une très bonne journée.